السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله. Donc je pense qu'aujourd'hui on va finir le livre. بإذن الله تعالى. Et la dernière fois j'avais sauté trois questions. Subhanallah, dans le dernier vers, j'ai sauté une page. Et on va les rattraper aujourd'hui. Bismillah. Et je pense que, si Allah Azza wa Jalla nous le permet, on va sûrement finir ce soir. Allah Alam. Donc là, on est toujours dans le cinquième bab, qui lui parle de fatawa sur différentes questions, toujours rattachées à la fornication, mais sans être classées dans un chapitre particulier, en fait. C'est divers. D'accord, c'est divers. أولاً المسألة أدلة ولا زنا تغزر وتخبس. Donc maintenant la question c'est la femme qui indique, qui aide à la fornication, doit être sanctionnée et doit être emprisonnée. C'est un peu comme une proxénète ou ce genre de choses. السؤال ما حكم المرأة الدالة المعاونة لأختها على جريمة الزنا؟ Quel est le jugement de la femme qui elle indique et participe à aider sa sœur à tomber dans la fornication? هذا أجاب عنه الشيخ العلامة الوادعي. Là, c'est une réponse de Cheikh Moukbil, رحمه الله تعالى. قال ينبغي أن تعذر وأن تهان وتضرب وتسجن وتخبس في بيتها حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Celle-ci, il a dit, il faut qu'elle soit sanctionnée. Il faut qu'elle soit châtiée, sanctionnée. Il faut qu'elle soit frappée. Il faut qu'elle soit emprisonnée et que par la suite, elle soit retenue dans sa maison. Jusqu'à ce qu'elle fasse tauba à Allah. Wa tuhan, le fait de, al-ihana, c'est le fait de mépriser quelqu'un, en fait. De lui faire subir une chose qui le méprise, qui l'humilie. Et ça, en conséquence de ce qu'elle a subi. Et on peut rattacher à ce genre de personnes ces femmes que l'on voit sur les réseaux, qui sont, qu'elles le veuillent ou non, indirectement, incitatrices à la fornication par le tabarruj. En faisant des choses qui, on va dire, provoquent les hommes et qui encouragent les femmes à tomber dans cet interdit. Que ce soit sur les réseaux ou que ce soit même dans la rue. C'est-à-dire les femmes qui elles-mêmes sortent dans la rue Moutabarijat, elles font un peu ce travail indirectement. Par exemple, celles qui sortent parfumées, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celle-là c'est une zaniya, car elle provoque les hommes. Celles qui sortent mal vêtues, ça amène à cela. Même si elles, ce n'est pas leur intention d'appeler à cela directement, ça c'est une conséquence, ça va amener à ce que cela provoque des hommes et cela pourra également influencer d'autres femmes qui sont de faible foi, ainsi de suite. Elle voit ces femmes là et prend exemple sur elles, et par la suite peut-être cette femme là qui a pris exemple sur l'autre, et bien celle qui se trouve à tomber dans l'interdit. Donc ça ressemble, c'est pour ça qu'on rappelle encore principalement aux femmes de faire attention sur les réseaux. Celles qui mettent leurs photos, celles qui s'exhibent, et ce qui s'ensuit. Ça, c'est une chose qui apporte beaucoup de mal, déjà à elles-mêmes, et au mujtama, au moumen. Et ces réseaux, on déconseille fortement d'y participer si ce n'est avec un besoin. Quelqu'un qui a un réel besoin dans les réseaux sociaux, qui l'utilise. Il a un commerce, ou il a une chose qui est vraiment profitable pour les autres. Il est dans un domaine qu'il maîtrise, et il y a besoin de ce qu'il dit, ou autre. Même une femme, elle peut avoir un compte de darwa, mais il faut qu'elle soit vraiment restreinte. Vraiment très restreinte et vraiment contrôlée. Sans quoi, yushtanab, c'est mieux de délaisser ces choses-là, car ça ouvre des bebs, Et les réseaux, vous savez, c'est comme un engrenage. Tu commences par petit, tu finis par gros, en fait. Et c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de mal. Il y a énormément de mal dans ces réseaux-là. ثم المسألة المرتسبة لا شيء عليها. Donc maintenant, c'est une masala qui est importante, c'est la femme qui a été violée. السؤال ما حكم المرأة إذا كانت مرتسبة. Qu'en est-il de la femme qui a été violée? C'est-à-dire qu'un homme a la prise de force et l'a forcée à commettre l'acte alors qu'elle ne veut pas. Il s'est imposé sur elle par sa force physique, ainsi de suite, ou en la menaçant, ainsi de suite, et l'a forcée à faire ce qu'elle ne veut pas faire. هذا جواب الإمام الواضعي كذلك لا شيء عليها قد وقع هذا على عهد عمر رضي الله عنه وأخبر عمر أو أخبر عمر أو سأل عنها فقالوا لا نراها إلى امرأة صالحة فأمر أقاربها أن يحسنوا إليها. Donc il a dit, cette femme là il n'y a rien contre elle. Et cela s'est déjà déroulé à l'époque de Omar رضي الله عنه. Il a été informé d'une femme à qui cela est arrivé. Après, il a interrogé à son sujet. Et ils ont dit, c'est une femme qu'on ne connaît que dans le bien. Donc à ce moment-là, il a ordonné à ses proches de cette femme d'être bienfaisant envers elle. Donc c'est important de regarder qu'à Omar, il a interrogé à son sujet. C'est-à-dire, est-ce que c'est une femme qui, de base, a vraiment subi ce qu'elle n'a pas cherché? Qu'il y a des femmes qui se font, par exemple, agresser par des hommes. Et ça, généralement, c'est plutôt chez les kafirat, pour la fitna qu'elle représente et la façon dont elle s'exhibe. Donc ça amène à ce que des hommes qui n'ont pas de contrôle d'eux-mêmes, et ainsi de suite, abusent d'elle. Mais elles ont une part de responsabilité en s'étant exhibées. Ou en ayant fait des choses qui ont amené à ce qu'elles s'exposent à subir ce genre de sévices. Donc Omar l'a interrogé à ce sujet. Il n'a pas directement dit, il lui arrivait telle et telle chose. Il a demandé, qui est-elle? C'est-à-dire à propos de sa réputation. Quel genre de femme elle est? Une fois que cela lui a été clarifié, à ce moment-là, il n'y a rien eu sur elle. Ensuite, l'auteur a donné une faïda par rapport à ça. Il dit que la plupart des ulama, ils disent que malgré tout, la femme qui subirait cette chose-là, si elle était bikr, elle doit être dédommagée. Du mahr, on doit lui donner l'équivalent d'un mahr, de la bikr, selon les coutumes du pays où elle est. Et cela se basant sur le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakul, bima. C'est-à-dire que la femme a droit au mahr de ce qu'elle a subi, c'est-à-dire comme rapport qu'elle ne méritait pas, qui n'était pas légitime, on va dire. Le hadith, on va le revoir à la fin dans d'autres masalas, c'est par rapport à une femme qui aurait été mariée de façon invalide et que l'homme a eu des rapports avec elle, malgré tout, ce mahr, il doit le donner. Pour le fait qu'il y a eu un contact physique. Et là, de plus forte raison, une femme qui a été elle-même violée. Donc elle doit être dédommagée par rapport à l'agresseur. Et l'affaire de Omar, c'est quoi? C'est que c'était en fait une femme qui a été violée par un esclave. C'est une femme qui a été violée par un esclave. Et par la suite, Omar a flagellé cet esclave, et cette femme-là n'a rien eu, car à la base, elle était une victime. وَمِنْ أَدِلَّةِ لَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ كِرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. À propos de ceux qui forcent leurs esclaves à se prostituer pour en tirer un salaire. Il dit, Allah Azza wa Jalla dans le sens, et celui qui les force, c'est-à-dire les contraint à commettre cet acte illicite, que Allah est pardonneur et qui est miséricordieux après qu'elles étaient contraintes, c'est-à-dire qu'elles seront pardonnées, car la femme esclave, elle n'a pas d'autorité et son maître lui force à faire des choses face auxquelles elle ne peut se défendre. Donc à ce moment-là, elle sera pardonnée si elle met à l'agir sous la contrainte. Et bien sûr, la mas'ala, là, on parle de la mas'ala par rapport au hukm shari'i sur la sentence. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte. Quand une femme est violée, c'est une chose qui est gravissime. C'est un abus de pouvoir de la part d'un homme sur elle. C'est une chose qui est inacceptable. Et par rapport au traumatisme, ce qui s'ensuit, ça, c'est notre mas'ala. Là, on parle par rapport à Shal'an. Est-ce que cette femme-là, elle a quelque chose à subir. Et non, bien évidemment. D'accord ? Bien évidemment. Mais on avait bien expliqué, également, il faut voir quel genre de femme elle est. Aussi. Quel genre de femme elle est ? Est-ce qu'elle a une part de responsabilité dans le fait que cela soit produit ? L'agresseur sera l'agresseur. Quoi qu'il en soit, il ne sera pas déculpabilisé pour ce qu'il a fait. Lui, quoi qu'il en soit, ce qu'il a fait, il n'a pas le droit de le faire. Dans l'absolu. Mais après, il regarde, est-ce que la femme, elle-même, a fait une part de provocation. J'avais vu une fois un article sur une femme comme ça qui, dans un autre pays, c'était pas en France, je crois que c'est un pays d'Europe, la Suède, ou je ne sais où. Un homme, un professeur qui avait été incriminé pour viol envers son élève, une de ses élèves. Et ils avaient expliqué que il avait une circonstance atténuante, comme ils disent, que lorsqu'il a cité les faits, il a dit « Moi, je la croyais consentante. » Et la femme, elle, elle a nié. Parce qu'il a dit « Moi, on s'est retrouvés seuls ensemble, mais j'ai pas pensé à venir. » Et en plus, il a décrit comment elle était, ses sous-vêtements. Ses vêtements qu'elle portait. Donc il a dit « Pour moi, tout ça, c'est un message pour me dire, voilà. » Et par rapport à cela, sa peine lui était minimisée. Même chez les Koufal, c'était pris en compte. Après, ben ça fait un scandale chez les femmes, car elles ont commencé à dire comment ça, on n'a plus le droit de s'habiller comme on veut, on répond à un rendez-vous comme ça de façon anodine, ça ne veut pas dire qu'on veut, et ainsi de suite. Mais le juge, je crois même que ce juge c'était une femme, il me semble, elle avait dit, là, ça c'est de la provocation, ça. En tout cas, il y a une part de provocation. D'accepter de se retrouver avec un homme seul, d'être habillé d'une façon particulière, qui laisse entendre des choses, des sous-entendus, après si l'homme y passe à l'acte, voilà. Et vous savez, les sœurs, l'islam, alhamdoulilah, est venu pour mettre des règles qui vous protègent de ce genre de situation. Ce qu'il faut, c'est de respecter autant que possible. Car l'homme, malheureusement, fait preuve d'abus de pouvoir. Et l'homme, de base, il est injuste. Innahu kana zaluman jahula. De base, c'est que l'être humain, il est injuste et ignorant. La base chez l'homme, c'est le mal. Après, ce qui l'éduque, c'est l'islam. Et cet islam, ce qui l'éduque, c'est la taqwa. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui étaient les meilleurs dans la jahiliya seront les meilleurs à l'islam s'ils comprennent. Ils vont s'arranger. Malgré tout, il reste cette part de malséance présente chez l'homme. Et l'homme, bien sûr, physiquement, peut s'imposer par rapport à une femme. Et c'est ce qui est souvent le cas dans les viols, c'est par rapport à la force physique. Et ainsi de suite. Ou avec des armes. Et la femme ne peut se défendre. Et comme c'est des situations qui arrivent, une sœur qui respecte le droit de l'islam, de base, elle peut éviter ce genre de choses. Déjà, en évitant de sortir pour rien. Ensuite, si elle sort, elle sort habillée correctement. Après, si elle peut éviter de sortir seule, c'est encore mieux. Éviter les lieux mauvais. Éviter les heures tardives. Et ce qui s'ensuit. Et si tout ça est respecté, vous n'allez quasiment pas trouver ce genre de choses. Peut-être que ça peut arriver à l'intérieur, ce qu'ils appellent l'inceste. C'est déjà arrivé que des femmes aient été abusées de leurs proches. De leurs proches. L'oncle. Ou un tel, ou un tel, ou un tel. Ça, c'est notre histoire. Mais là, on parle des femmes qui seraient agressées, par exemple, dans la rue. Et de base, c'est rare que cela arrive à des sœurs. Même dans les pays d'islam, c'est pas une chose qui est réputée, ça. S'il y a des abus sexuels qui se font, c'est souvent du côté de l'inceste, comme on l'a expliqué. Eh ben, dans la rue, comme ça, non. Ça, c'est une chose qui n'est vraiment pas courante dans les pays d'islam. Il y en a, on peut en trouver, mais c'est rarissime. C'est pas comme des pays de kufr. Ça n'a rien à voir. Donc comment Allah Azzawajal connaît l'homme et son injustice et sa méchanceté, et connaît la femme et sa faiblesse et sa vulnérabilité, alors il a mis des règles pour la protéger. Donc toutes ces choses que beaucoup de femmes malheureusement ne veulent pas accepter comme règles de l'islam, comme le hijab et ce qui s'ensuit, le hijab légiféré, on vous dit, parmi les masalih, c'est une protection pour vous. C'est une protection pour vous. Vous avez beaucoup moins de probabilité de vous faire violer en étant habillé comme ça, qu'en étant habillé, mutabarrijat. Même si de l'autre côté, peut-être qu'en France, des gens peuvent vous insulter, ou mal vous le regarder, Wallah, vaut mieux être insulté, mal regardé, qu'il nous arrive une agression sexuelle. Sans l'ombre d'un doute. Et vous allez voir que même les jeunes criminels, les jeunes de cité, les voyous, les racailles, ce qui s'ensuit, ne touchent pas une femme violée, une femme voilée. Ils peuvent violer des femmes et faire des choses gravissimes, comme vous savez, dans les caves et ce qui s'ensuit, mais ils ne le font pas avec une femme qui est voilée. Une vraie. Parce que t'en as des fois à mettre le voile, ils savent très bien qui elle est. Elle s'est fait connaître pour des choses mauvaises, et malgré son voile, elle est connue pour les choses mauvaises. Comme l'a fait Omar, qui avait interrogé pour cette femme-là. Mais une vraie sœur préservée, qui est droite, voilà, ils vont la respecter, ils vont pas l'approcher. Ils vont pas l'approcher. Biznillah ta'ala. Donc c'est une protection. Taïb. Thumma yaqul kufr man abaha az-zina. La mécréance de celui qui aura rendu permis la fornication. Déjà, vous savez que toute personne qui rend permis ce que Allah a interdit et qui est ma'loum bid-daroura, il mécroit. Que ce soit la zina ou autre. Toute chose qui est connue comme étant interdite, qui est connue par nécessité dans la religion, que même les koufars savent que c'est interdit, celui qui fait cela, qui rend halal le haram ou qui rend haram le halal, lui, il mécroit. Mais là, la question est particulièrement tournée vers az-zina. السؤال ما قولكم في من يقول بعدم تحريم الاتيان للمرأة التي لم تكن في عصمة الرجل وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل وذلك الذي يسمى الزنا. Donc la question c'est que dites-vous de quelqu'un qui dit qu'il n'est pas interdit d'avoir des rapports avec une femme qui n'est pas, on va dire, mariée en fait, mais que cela n'est interdit que pour la femme marié. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce que les gens y voient, c'est l'adultère qui est interdit. On a expliqué que l'adultère, c'est une chose qui est plus particulière que la fornication. Tout adultère est une fornication, ce n'est pas toute fornication qu'un adultère, comme on l'avait rappelé. Donc, ces gens, ils disent ça, qu'une femme qui est célibataire, en fait, elle, forniquer avec elle, c'est permis. D'après eux. Là, c'est une fatwa de Al-Ajna Ad-Da'ima, sous la présidence de Shir Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Man qala dhalika fa huwa kafir bi ijma' al-muslimin wa li'umum nass al-Qur'an al-amrayn. ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا. Donc il a dit, celui qui dit cela, c'est un kafir avec le consensus des muslimines. Et cela pour la généralité qu'englobe les textes du Coran pour les deux situations, qu'elles soient célibataires ou qu'elles soient mariées. Et également que la sunna l'a clarifié. Et que les deux sortes, c'est-à-dire les deux situations sociales, la fornication qui a lieu s'appellera fornication, c'est interdit. وكما قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فحشه وساء سبيلا. Ne vous approchez pas de la fornication car cela est une turpitude et un mauvais chemin. Et après citer les versets qu'on cite depuis le début par rapport à la sentence du fornicateur, de la fornicatrice, et s'ils sont bikr, qui sont flagellés, donc le bikr ça veut dire quoi? Celui qui n'est pas marié. Bon, ainsi de suite. ثم مساله اخرى بطلان النكاح بلا ولي. Là, c'est l'invalidité du mariage qui a lieu sans tuteur, sans wali. Car le mariage, il a arkan al-zawaj, nikah, roknan, ala sahih, wa ba'dum qalu salatha, on va dire shurut également. C'est le mahr, d'accord ? Le mahr, le wali et bien sûr le consentement, et certains ont rajouté les deux témoins, et les deux témoins c'est une masala khilafia. Mais ma chère, sont d'avis que les témoins ce ne sont pas un pilier, c'est-à-dire s'il n'y a pas de témoin, l'acte de mariage il est quand même valide. Le tourlema il voit qu'il est invalide, donc on dit sortez du khilaf, prenez deux témoins, comme ça c'est au minimum, même si c'est pas. Même ceux qui voient que c'est pas une condition, ils disent que c'est mustahab, c'est mieux quand même. Donc, sortez du khilaf, faut pas avoir de doute par la suite, prenez des témoins pour le mariage. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est aussi pour rassurer ceux qui n'en ont pas eu, qui commencent à avoir peur de leur situation. En réalité, ces témoins-là ne sont pas une condition de validité du mariage. Wallahu ta'ala alam. As-su'al, ma hukm al-nikah bidun wali, wa la siyama idha kanat al-makhtuba thayyiba, wa la siyama idha kanat al-khatibu. Donc, qu'en est-il du mariage sans wali, sans tuteur? Surtout que la prétendante, celle qui l'a demandé, c'est une femme qui est fayyib. C'est quoi la fayyib? Celle qui a déjà connu le mariage. Donc, une divorcée ou une veuve. Et également, que le prétendant et cette prétendante sont dans un pays étranger à celui du wali. Le wali, il est ailleurs. Ils sont dans un pays et le wali, il est dans un autre pays. Donc là, c'est une fatwa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Al-wali la budda minhu li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la nikah illa bi wali. Wa la budda min kawni al-mar'a tukhbir waliyaha wa huwa alladhi yatawalla 'aqd an-nikah. والمرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها وهذا والزنا. Donc il a dit il est indispensable d'avoir un wali, un tuteur. Selon la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas de mariage valide sans wali. Et également, il est nécessaire que la femme informe son wali, c'est-à-dire pour qu'il la marie, car c'est lui qui prend en charge l'acte de mariage. Que la femme ne peut se marier elle-même, tout comme elle ne peut elle-même marier autrui, car cela c'est de la fornication. ويقول وفرق ما بين الزنا والنكاح الولي والشروط التي شرطها الله في ذلك فلا بد من ولي ولا بد من إجاب وقبول فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها سواء كانت ثيبا أو بكرا بل الواجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها والوليها والذي تولى ذلك. Donc lors de l'acte de mariage, c'est obligé, il est obligatoire qu'il y ait la proposition et qui est l'accord. C'est-à-dire que le wali dit au prétendant « Zawajtuka binti au urti au fulana »« Je te marie à ma fille ou ma sœur ou celle, la femme qui a sa charge » et le khatib, en fait le khatib plutôt, parce que khatib c'est celui qui fait la khutba du Jumu'ah, là c'est le khatib, il dit « J'accepte, qabiltu » et le mariage il est fait. C'est tout. Juste avant ça, khutba til haja, الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره إلى آخره. Ensuite le wali fait la proposition et le prétendant accepte. Un acte de mariage c'est pas plus simple que ça. Et il n'y a pas besoin d'imam comme les gens le font. C'est le wali qui se charge de marier la femme lui-même et c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir appelé un imam ou quelqu'un qui parle arabe ou quoi. Ça c'est dans toutes les langues. Et même la khutba del haja c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire. Donc les gens perdent cette habitude d'aller chercher à droite à gauche de trouver un imam pour se faire marier. À tel point que même en France, ils ont interdit aux imams de faire le mariage religieux avant de le faire à la mairie. D'accord ? Ça, on n'en a pas besoin. Le mariage à la mairie, c'est pour les modalités mondaines. Ce mariage-là n'a aucune valeur religieuse. C'est juste pour les papiers, s'il y a un voyage, ou s'il y a des enfants, c'est pour faciliter les démarches et tout. Mais religieusement parlant, ce mariage à la mairie, il n'a aucun poids. Ce qui a un poids auprès d'Allah Azzawajal, qui rend la relation halal, c'est ce qui a lieu avec le wali. Et le wali, on dit aux hommes de prendre leurs responsabilités et d'assumer leur rôle et de marier les femmes qui sont en leur charge eux-mêmes. De ne pas faire les fainéants, de ne pas faire les timides quand il n'y a pas lieu de le faire. Parce que souvent les gens disent « Oui, on rend la religion trop dure. » Les choses faciles, ils n'arrivent même pas à les faire. Ils se surchargent d'aller chercher quelqu'un, voire même d'aller payer. Des gens, ils profitent de ça, ils prennent de l'argent pour marier. À la base, il n'y a pas besoin de ça. Le wali marie sa fille ou sa sœur ou la femme qui a sa charge n'importe où, dans la voiture, à la maison, au travail, il n'y a pas de lieu particulier. C'est pas au masjid. D'ailleurs, le point de masjid en particulier pour le faire, les ulama disent ça, c'est tachabur bikoufar, comme le font les chrétiens à l'église. Tu peux le faire à la mosquée si tu veux, mais ne crois pas que le faire à la mosquée c'est une sunna ou c'est un fadl. Non. Tu peux le faire partout. Tu peux le faire partout. Et sans même la présence de la prétendante. Et même par téléphone, par distance. Le wali il est ailleurs et le prétendant il est ailleurs et ils le font par téléphone. C'est faisable avec les témoins. Et ainsi de suite. Thumma yaqul, donc une femme ne peut se marier toute seule, ni marier autrui. Car le wali, également, il y a des choses, l'autre, il faut que ce soit un homme. À la base, c'est le père. Et si le père n'est pas là, c'est tous les hommes qu'on appelle les asaba, ce sont les hommes du côté du père. Les hommes du côté de la mère ne sont pas des aouliyah. Le mariage n'est pas valide avec eux. Ce n'est que du côté du père. Les oncles paternels, soit les frères germains, qui sont d'un même père, ou si ce sont des demi-frères du côté du père. Ce sont eux, les aouliyahs, qui peuvent marier la femme. Mais du côté de la mère, ce n'est pas valable. Sachez-le bien, c'est une règle qui est importante, parce que les gens ne savent pas ça, ce détail-là. C'est que du côté du père, et bien sûr qu'ils sont musulmans. Donc il fait salat, et ainsi de suite. Ça, c'est important également. Après la salat, il y a un khilaf, il y a des ulama, ils voient que ceux qui ne font pas salat, ça reste un musulman. Donc là, c'est autre chose, c'est une subtilité. Sans quoi, le wali, c'est celui-là. Et après, le wali, il y a un ordre. Quand il n'y a pas le père, Il y a le grand-père, quand il n'y a pas le grand-père, c'est peut-être qu'il y a le grand frère ou l'oncle, l'oncle paternel ou le fils. Après, c'est une autre question. Là, j'ai plus en tête l'ordre des Aouliés. Lorsqu'ils sont présents, c'est lequel, le père n'est pas là, c'est lequel qui est prioritaire. Hein. Normalement, c'est le grand-père. Normalement, c'est le grand-père. Et après, le reste, j'ai des doutes, j'ai oublié. Thumma yaqul wal wajib wal wali an yattaqi Allah. طيب والواجب على الولي أن يتقي الله طالب لا يغدو لها ويجتهد في تيسير الزواج لها إذا خطبها الكفء واجب على الولي أن يسهل في ذلك ويجتهد في إحسان مواليته وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف المهر ولا في الولائم ولا في غير ذلك donc il est obligatoire au wali de craindre Allah عز وجل et de ne pas priver ou de compliquer les choses. Il doit faciliter les choses autant que possible. Si une personne vient de bonne religion et qui est en mesure de prendre sa fille en charge, alors il doit la marier si jamais elle le veut et qu'elle lui convient. Il doit faciliter autant que possible. Il doit faire en sorte que sa fille garde sa chasteté. Et ça, c'est un nasiha que j'ai déjà fait auparavant, pour ceux qui veulent l'écouter, sur les aouliyeh qui mettent des complications. Non, je veux qu'elle finisse ses études, je veux qu'elle ait un travail, un diplôme. Tout ça, ça c'est vain. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Le but du mariage, en premier lieu, c'est que le couple se préserve dans leur chasteté. Repousser pour les études, ça va amener à des catastrophes. Et ainsi de suite. Et si vraiment elle veut étudier et que ses études, elles sont dans le licite, elle se marie et elle étudie. C'est pas un problème si le mari l'accepte et qu'il n'y a pas de transgression. C'est pas un problème. Même s'ils veulent, elle habite chez ses parents, elle habite chez ses parents, c'est pas un mché, ils tombent pas dans le haram. Et après, au fur et à mesure, ils patientent et ils construisent leur foyer, ce qui s'ensuit. Quand on voit que le jeune sont à bout et dans la tentation, il faut les marier. Je vous l'ai déjà expliqué plus d'une fois. Il vaut mieux se marier. On n'appelle pas au divorce. Et c'est la chose halal que Allah déteste le plus, selon un hadith qui est faible, mais qui dont les règles apparaissent comme étant valides. Cependant, mieux vaut avoir un rapport dans le halal et divorcer, plutôt que rester et tomber dans le halal, dans le haram, ne serait-ce qu'une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule fois. Et ça, c'est ce qui risque de se passer lorsqu'on ne laisse pas les jeunes se marier. Ils vont tomber dans le haram. Donc mieux vaut les marier. Si ça se passe mal, quand dans la machafarelle, au moins ils n'auront pas fait le péché. Le péché n'aura pas été commis. Donc il faut bien mettre les priorités à leur place, que les gens se rappellent bien cela. D'accord ? C'est pas d'avoir un diplôme, c'est pas d'avoir une situation financière soit en soi ou avoir ceci ou avoir cela. En premier lieu, c'est de voir que ton enfant, il est sur le point de tomber dans le haram. Wallah, c'est une masoulia, si jamais il tombe dans le haram et que tu pouvais l'en empêcher, et tu lui as fermé les portes pour lui compliquer des choses qu'Allah ne t'a pas demandé, ne t'a pas imposé, Yom al-Qiyamah, tu seras interrogé pour cela, toi le wali. D'avoir compliqué à ta fille ou à ta sœur ou à la femme, d'accord ? Et à cause de toi, comme tu étais irresponsable, tu as été ignorant ou quoi, que ta fille est tombée, ou ta sœur, ou qui s'en suit, est tombée dans le haram, elle aura sa part de faute, mais toi également, car tu auras fermé les portes pour empêcher que le halal se fasse. Wali azbillah. Donc le wali ne doit pas imposer les choses, il doit faciliter autant que possible. Ni dans le mahr, genre il vient pour se marier, il demande un mahr qui est exorbitant. Ou une walima, une grande fête de noces exorbitante alors qu'il n'a pas les moyens. Il dit non, tant que tu n'as pas telle somme, on ne te marie pas. Mais qui c'est qui a demandé ça? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une walima avec des dattes et du leben. Des dattes et du leben. Si le khatib a les moyens, tayyib, il peut donner un grand mahr. Mais si il n'a pas les moyens, il ne faut pas lui imposer. Et la walima se fait dans la mesure du moyen. S'ils ont le moyen de faire une grande noce dans le halal, tant mieux. S'ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas une condition pour le mariage d'avoir tout ça. Ce qu'il faut, c'est le wali, l'accord du wali et de la prétendante, et le mahr. C'est ça qui est demandé. Après le reste, c'est des modalités. Certaines choses sont recommandées, mais et la walima est obligatoire, mais selon les moyens. Voilà, tu ramènes deux, trois frères, un verre de jus de fruits et quelques biscuits, ça y est, la walima, elle est faite. Hein. La walima, elle est faite. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Ce sont les moyens. Il ne faut pas non plus être radin. Ce sont les moyens. Mais il faut la faire. Ça met une baraka. فإذا غضلها الولي أو تكلف في هذه الأمور ففي إمكانها أن ترفع الأمر إلى المحكمة إذا كانت في بلدها محكمة حتى تنظر المحكمة في الأمر وتأخذ له يد الولي. Donc maintenant si le wali il complique les choses, il impose des choses qui font obstacle, qui font entrave à l'avancée du projet de mariage, alors à ce moment-là, il est possible à la femme d'aller se plaindre auprès du tribunal en expliquant la situation. Pour dire tellement la chose, elle est vraiment sensible et elle est importante qu'il est permis à ce moment-là à la fille de se plaindre de son père ou de celui qui a de son wali, quoi. Afin que l'autorité fasse pression sur le wali pour qu'il joue son rôle et qu'il ne complique pas les choses. Amma idha kanat al-mar'a fi balad laysa fiha wali wa laysa fiha ab wala akh wala ibn am فإن الحاكم يقوم مقامه ووليه الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن ومواليها فنكاحها باطل ولها المهر بما أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي لمن لا ولي له. Donc maintenant, si cette femme elle est en situation où elle n'a pas de wali. Là, c'est dans un pays d'islam. Elle n'a pas de wali, par exemple. Alors, à ce moment-là, c'est le gouverneur qui fait office de wali, le gouverneur ou ceux qui représentent le gouverneur. Et là-bas, c'est le juge. À profession de pays, ça dépend, ça peut être le maire, ça peut être... Ça dépend, ce que le gouverneur a décrété comme étant apte à marier en son nom, il fallait les papiers officiels. Car le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute femme qui se marie sans la permission de son wali, Son mariage est invalide. Et malgré tout, elle aura le droit au mahr de l'acte qui aurait été commis. C'est-à-dire une femme, comme vous disiez tout à l'heure, elle s'est mariée sans wali. Son mariage est invalide. Malgré tout, l'homme, il doit payer le mahr parce qu'il a eu des rapports avec elle. Donc elle a droit au mahr, mine de rien. Il a dit, si jamais il y a un conflit ou autre, il dit, alors c'est le gouverneur qui est son wali, pour ça qu'il n'a pas de wali. Le gouverneur musulman. Donc ça, c'est en pays d'islam. D'accord ? C'est en pays d'islam. Yaqul fal hakim yakum maqam waliha wa yakun huwa waliha wa yuzawwijuha aw yuwakkilu man yuzawwijuha. Donc à ce moment-là, le gouverneur, c'est lui qui prend la place du wali. C'est lui qui joue ce rôle, qui la marie ou alors qui délègue quelqu'un pour s'en charger. Fa in kanat fi balad laysa fiha hakim wala wali kal al-aqaliyat al-islamiyya fi bilad al-kufr. هذه يزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندها مركز إسلامي لأنهم بمثابة السلطان عندهم فرئيس المركز الإسلامي ينظر لها يزوجها بالكاف أو بالكوفي. Il dit maintenant, si c'est une femme qui est dans un pays où il n'y a pas de gouverneur musulman, c'est-à-dire par exemple comme les minorités qui sont dans les pays de Kufr. Alors à ce moment-là, il dit que c'est le président d'un centre islamique. Ça veut dire, en fait, il veut dire une personne qui a un poids au niveau de la communauté, qui représente la communauté dans le pays où elle vit. C'est lui qui la marie. Car lui, il fait office d'autorité. Et dans les pays où il n'y a pas d'autorité musulmane qui soit vraiment prise en compte, Cheikh Moukbil et d'autres ulama, ils disent qu'en fait, à ce moment-là, elle choisit un homme qui a une certaine autorité au sein de la Ummah. Un imam de mosquée, un prédicateur, un enseignant, un homme de da'wa qui est connu auprès des gens pour sa fiabilité, ainsi de suite. Et à ce moment-là, lui peut le faire, par exemple, pour les soeurs converties, ils n'ont pas de wali. Ou ceux qui sont d'avis que le Tariq Salah, c'est un kafir, et c'est la vie authentique, celui qui fait pas ça, c'est un kafir, et que son père, il fait pas la salat ou quoi ou quoi, à ce moment-là, elle peut se tourner vers quelqu'un d'autre. Et le wali, à ce moment-là, eh ben, celui qui peut aider, qu'il aide. Celui qui peut aider, qu'il aide. Mais j'invite les gens à revenir vers le conseil que j'ai fait sur les aouliyas pour pas avoir à me répéter. Il dit, « Ouizekana » ولي أمرها موجودا ولكنه بعيد فيكاتب حتى يرسل وكالة وإذا كان ما يعرف محله وما يعرف محله فالولي الذي بعده يقوم مقامه فإذا كان لا يوجد فالسلطان يقوم مقامه ويزوجها. Donc maintenant, si le wali, par exemple, il est absent, il est ailleurs, alors il peut déléguer quelqu'un qui le représente. Il dit, un tel, fais le mariage à ma place. C'est-à-dire, j'ai mon accord, mais tu as le faire à ma place. Ça peut être un de ses proches, ça peut être une personne de confiance qu'il connaît. Et si jamais le wali n'existe pas, il est décédé ou autre, on prend celui qui vient après lui, selon l'ordre, comme je l'expliquais, selon l'ordre des hommes de la famille du côté du père. On regarde qui est le plus proche, et ainsi de suite, pour choisir. Et si jamais il n'y a personne, alors on revient à la masala qu'on a cité tout à l'heure. En pays d'islam, c'est le gouverneur, et en pays de Kouf, ça va être une personne qui représente la Oumma, et chacun à son niveau. Voire même ceux qui ont une ambassade, par exemple, une sœur, elle est d'origine, je ne sais pas moi, sénégalaise, elle veut se marier, elle peut essayer d'aller voir l'ambassadeur sénégalais, s'il veut bien le faire le mariage. S'il le fait, c'est parfait. Souvent, ils refusent, ces gens-là, ils disent, c'est pas mon rôle, je suis pas là pour ça. Mais on sait jamais. Si des gens ont une ouverture, ils voient qu'ils peuvent faire cela, qu'ils le fassent, c'est valide. L'ambassadeur du pays d'origine de ses parents. Si jamais ce sont des musulmans. Il faut que ce soit un musulman, obligatoirement. Le wali ne peut être qu'un musulman. Non. Bon, bah, finalement, on va s'arrêter là. Hein. Inch'Allah ta'ala. Il reste peu, mais bon, ça aura fait trop long. Donc, bismillah ta'ala, on finira demain. Donc, ça rappelle, par rapport à ça, pour les aouliyahs, car il y a trop de laxisme dans ce domaine-là, et des gens qui font trop de complications, et à cause de cela, ça mène à de fâcheuses conséquences pour leur fille ou pour la femme qui a leur charge. Et la tentation, surtout en pays de Kouf, elle est très très forte. Donc, surtout faciliter autant que possible le mariage. Faciliter autant que possible le mariage. Naam. Naktafi bi hadzal qadr, fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.